Allô, allô! Bienvenue dans le Grenier Pop sur les ondes du 101.5 CIBL. Je m'appelle Frédéric Lavoie et je serai avec vous dans la prochaine demi-heure pour jaser de culture pop. Aujourd'hui, c'est le tout premier épisode de cette nouvelle aventure radio. Je vais donc prendre quelques instants avec vous pour vous expliquer le concept. Pourquoi le Grenier Pop? Parce qu'on a tous, quelque part, dans la maison, que ce soit dans le grenier d'une vieille maison, dans une boîte poussiéreuse ou même au fond d'un vieux coffre, des objets, des souvenirs, des choses qui nous ramènent à une autre époque. Ces petits trésors qui racontent notre histoire sont parfois ceux de toute une génération. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de fouiller avec moi dans cette boîte, dans ma boîte, d'ouvrir ensemble ces tiroirs mémoire et de partager ensemble un bon moment de nostalgie. Pour ce premier voyage dans le Grenier Pop, j'ai eu envie de commencer avec un souvenir télé qui m'a marqué quand j'étais enfant. Un dessin animé qui nous faisait voyager très loin dans un monde étrange et fascinant. Donc, je vous laisse la chance de deviner de quoi on parle ici. On remonte dans les années 80 et on écoute une portion du générique de l'émission. Bon, certains qui sont assez vieux comme moi l'auront reconnu, ça passait à TQS l'émission « Les mondes engloutis ». Mais c'est pas pour son générique que je voulais vous parler de cette émission. Non, c'est pour une chanson marquante qu'on entend dans l'un des épisodes. C'est la chanson des pirates. On a eu la chance que la musique de cette série des mondes engloutis fut écrite par Vladimir Cosma, un véritable génie musical. Mais il a fait bien plus. Vladimir Cosma a composé des succès pour plusieurs films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Pour vous donner une idée de son talent, avant d'écouter cette fameuse chanson des pirates, voici quelques extraits de ses plus grands succès. Et je vous laisse deviner le nom des films, c'est quand même pas si dur, c'est des grands succès. Dans ce premier, dès les premières notes, on remonte dans le temps et l'aiguille de la nostalgie est dans le tapis. Didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality. A different kind of real. Vous l'avez sûrement reconnu, le film La Boum avec la jeune Sophie Marceau dans le rôle de Vic Béréton qui l'a révélé au grand public. Maintenant, un autre succès. Un film qui met en scène deux grands acteurs. On parle ici de Pierre Richard et Depardieu. Dans ce film, Pierre Richard a été engagé comme un détective, malgré que c'est un gaffeur pathologique. Et dans l'extrait, on est à la fin du film, quand il réussit enfin, contre toute attente, à retrouver la jeune fille disparue, et les deux, se tenant main dans la main, sous le regard incrédule de Depardieu, s'éloignent sur l'eau, sur un bout de quai qui vient de se détacher. C'était le film La Chèvre avec ce si beau thème musical de Vladimir Cosma, La Cabra, qui bien sûr veut dire La Chèvre en espagnol, c'est le nom de la chanson. Et en passant, même encore aujourd'hui, je vous dirais que ce film est excellent à écouter, si vous êtes capable de mettre la main dessus, bien sûr. Maintenant, toujours en musique, pour le film d'un autre grand comique, Louis de Funès est à l'honneur dans celui-ci. Louis de Funès qui a joué dans tellement de films divertissants. Moi, son film que je préfère, c'est L'aile ou la cuisse, où il joue un critique gastronomique redouté qui perd le goût, puis c'est son fils là, qui est joué par Coluche qui doit lui venir en aide. Mais bon, ici, ce n'est pas cet extrait-là qu'on cherche, on cherche un autre de ses films. Et oui, c'était la chanson du film « Les aventures de Rabbi Jacob ». Et maintenant, un dernier extrait avant d'écouter notre chanson des pirates. Cette fois, c'est peut-être un peu plus difficile pour vous de deviner. C'est un film très populaire de Claude Zidi. La chanson, je vous le dis déjà, ça a été interprétée par Guy Marchand qui joue dans le film et qui prête sa voix avec humour et charme. J'ai été chercher l'extrait du film directement en espérant vous aider à l'identifier. On l'écoute. Ceci est un love computer. Avec cette machine, vous saurez si vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous là, vous êtes sûr de lui? Vous? Oui, vous, monsieur. Vous êtes vraiment sûr d'elle? Eh bien, vous saurez tout sur votre destinée. Destinée, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi, toi et moi, destinés. Inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée. Tu ne pourras pas y échapper, c'est gravé dans la vie. Aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies, tu attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Destinée, toi qui m'es destiné, si jamais vous vous reconnaissez, je voudrais vous entendre crier. Y a-t-il quelqu'un qui m'aime dans cette salle? J'ai pas entendu. Vous? Vous? Oui, moi! C'est vous? Non, c'est moi! Pour ceux qui l'ont reconnu, c'était la chanson Destinée dans un extrait du film Les Sous-doués en vacances. Dans ce film, il y a une série de scènes totalement absurdes là, qui me font rire à chaque fois. C'est celle avec le fameux docteur joué par Hubert Deschamps. Il y a un des étudiants durant le film qui s'est blessé, puis ils vont voir le docteur. Et pour le guérir, le docteur il propose de lui raccourcir légèrement l'une des jambes pour remettre les deux à la même grandeur. Donc, il l'opère, mais le docteur, il est pas trop fiable, il fait une petite erreur, et là, c'est l'autre jambe qui est rendue un peu trop longue. Et de scène en scène, parce que l'étudiant, lui, passe le film au complet à l'hôpital, eh bien, le jeune homme, lui, va d'opération en opération jusqu'à la scène finale, où on entend la chanson qu'on a entendue. On voit le jeune homme se lever, mais surprise, lui qui était un grand jeune homme de 6 pieds au début du film, ne mesure plus que 3 pieds. Donc, c'est ridicule à souhait, c'est un peu ça, l'essence de ce film. En passant, il y a 2 films. Le premier, c'est Les Sous-doués, suivi de ce film, Les Sous-doués en vacances. Les deux remplis de blagues un peu idiotes. Bon, et maintenant, pour boucler la boucle sur les musiques de Vladimir Cosma, on l'écoute finalement, La danse des pirates. C'est une chanson qu'on n'entend jamais à la radio, donc je me fais plaisir, on l'écoute ensemble, La chanson des pirates, écrite par Vladimir Cosma pour la série Les mondes engloutis. Pour votre perdition, habitant d'Estrot, pour votre punition, je suis Matimat. Je suis Moxocor, c'est moi qui ramasse. Je vibre, aspire tout ce qui passe. Pour votre terreur, je suis Sescapil. Pour notre bonheur, vous vous tombez pile. J'ai une obsession, la domination. Je n'ai qu'une passion, la possession. Je cherche la super géophysique. C'est moi, c'est Scapil, un pirate très classe. Je suis toujours prêt à vous faire une crasse. Hello, my babies, je suis ma sweetia. Radio Vie Pirate, pupitou, c'est moi. Je garde mon micro même pour faire toto. Sur un radeau, je ferai de la radio. Retour dans le grenier pop sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Pour ceux qui désirent ne manquer aucun des épisodes du grenier, je vous invite à vous rendre sur la page de la station au CIBL 101.5.ca. Dans la section émissions, vous allez pouvoir trouver tous les liens pour la réécoute en balado ainsi que le lien vers la page Facebook du grenier. C'est la page facebook.com/legrenierpop tout simplement. Si vous avez des souvenirs un peu pop à partager avec moi, ça me fera plaisir de vous lire. Yeah, baby! Yeah. Maintenant, cette semaine, quand je prenais des notes dans mon petit carnet rouge sur ce dont j'aimerais vous jaser dans le grenier pop, je me suis mis une note que j'ai relue ce matin. Parler des cartes postales. Qu'est-ce qui fait pas plus grenier pop que d'envoyer des cartes postales? Moi, j'avoue, j'en ai jamais envoyé quand j'étais jeune. Il a fallu attendre à l'année passée avant que je me lance dans ce loisir. Et ne trouvez-vous pas que c'est un peu ridicule à l'ère d'Internet d'envoyer des cartes postales? Je dois me rendre au bureau de poste, acheter des beaux timbres, trouver une belle carte postale, écrire une petite anecdote et envoyer le tout dans l'univers en attendant une réponse. C'est un peu comme du slow mail que de faire tout ça. Tu sais, avec Internet qui permet de communiquer n'importe où, n'importe quand, d'écrire des cartes postales, c'est un peu hors courant. Mais je vous le dis, c'est le fun. Et je vous en parle aujourd'hui simplement pour vous dire qu'il y a un site qui aide à faciliter le tout. Le site se nomme www.postcrossing.com. C'est tout simple. Tu t'inscris sur le site et lui s'occupe de te trouver des correspondants. Et il te donne un petit code que tu dois inscrire sur ta carte postale. Et quand la personne à l'autre bout reçoit ta carte, elle entre ce code dans le site et là, ça indique que ta carte postale a bien été reçue. Et là, pour toi, ça débloque le droit de recevoir à ton tour une carte postale. Moi, j'en suis à 117 d'envoyés et j'en ai reçu 98. En ce moment, j'ai une dizaine de cartes qui voyagent vers différentes destinations. De mon côté, j'écris pas mal toujours le même message sur mes cartes. Je vous le lis. Bonjour, mon nom est Fred, je vous écris du Québec. Je viens du Saguenay, une région où l'on mange la fameuse tourtière du Saguenay. C'est un plat régional fait de cubes, de viande et de patates cuits longuement sous une croûte. En gros, C'est ce que je raconte sur chacune de mes cartes postales. Et ensuite, je fais un petit dessin dans l'espace restant, car on est quand même limité dans l'espace sur les cartes postales. Puis ce message, il y a la particularité que je l'écris dans toutes les langues. Quand le site Postcrossing me donne le nom de la personne à qui je dois écrire, elle m'indique aussi les langues parlées de cette personne. C'est majoritairement, je vous dirais, l'anglais pour les échanges, plus la langue maternelle de la personne. Et moi, plutôt que d'écrire en anglais, j'essaie de faire l'effort d'écrire dans la langue d'origine de la personne pour lui faire plaisir. Je prends donc mon texte puis je demande à l'intelligence artificielle, pour ne pas nommer ChatGPT, de me traduire ça. Et quand je dois écrire en chinois, c'est comme un petit casse-tête. On dirait un puzzle grandeur nature avec chacun des caractères qui est comme une petite œuvre d'art que je dois reproduire sur la carte. Mais bon, je vous le conseille quand même, car chaque carte qu'on reçoit par la suite est une petite surprise. Donc, juste pour se faire plaisir, on lit ensemble les trois dernières que j'ai reçues cette semaine. Je vous les traduis pour que ça soit plus simple. La première vient de Dubrovnik. « Bonjour Frédéric. La carte a été envoyée le 22 juillet 2025. Bonjour Frédéric. Je suis de la Croatie, mon nom est Luca et je vis à Copenhague, mais maintenant je suis en vacances à Dubrovnik. C'est un endroit merveilleux, tellement joli et où la température est très chaude. Aussi, la nourriture est délicieuse. » Puis c'est signé Luca. Puis si je regarde à l'endo, ben le dessin de la carte postale, il y a quatre vignettes où on voit des endroits, j'imagine, clés de Dubrovnik. On voit la région côtière. On voit un endroit où il y a une belle statue en marbre. On voit un genre d'horloge sur le port et une autre photo là, de l'endroit. Une autre des cartes que j'ai reçues venait de la Chine. Celle-là est partie le 20 juillet 2025. C'est écrit qu'à ce moment-là, il faisait 7 degrés et il mouillait. Et la personne a aussi inscrite sur la carte que la carte postale allait voyager 12 170 km pour me rejoindre. C'est écrit « Bonjour Frédéric. Le mot inscrit sur la carte postale est serpent. Serpent en chinois. Bonjour, puis là, la personne a signé son nom. Fait que là, si je regarde de l'autre côté de la carte, je vois qu'il y a deux serpents et juste au-dessus de eux, ben, il y a le signe en chinois, j'imagine, qui représente le mot serpent. Donc, j'ai appris quoi ressemblait en chinois le signe serpent. Et pour la dernière, aucun texte, seulement l'inscription « Hanover, Germany » en Allemagne, 1er juin 2025. Elle a pris beaucoup de temps à se rendre ici. Sur la carte, il y a le logo de Postcrossing sur la carte. Donc, c'est une carte qui a été faite spécialement pour le site avec le mot « Pride » dessus. Puis, on y voit trois grands lions aux couleurs de la communauté LGBTQ+. Et ce que je comprends, c'est que la personne qui m'a envoyé ça a fait signer toutes ses amies de carte postale sur la carte lors d'un Pride Meetup qui a eu lieu, lui, le 1er juin 2025 en Allemagne. Donc voilà, j'ai plein de jolies signatures sur ma carte, c'est magnifique. C'est donc ça, le monde de la carte postale que je vous invite à découvrir sur le site postcrossing.com. Pardon, vous êtes Canadien? Vous avez l'accent? Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français, Canadien-Français. Ah bon? Un Américain du Nord-Français. Un francophone, Québécois-Canadien. Ah, c'est certain. Un Québécois d'expression canadienne-française-française. On est des Canadiens, ah oui, Américains, francophones d'Amérique du Nord. Oui, des Franco-Québécois. On est des Franco-Canadiens du Québec. Des Québécois canadiens. Je lisais dernièrement dans les nouvelles qu'avec tous les nouveaux modes d'écoute, que ce soit Balado, Spotify, Alexa et même la cafetière intelligente de Tante Gertrude qui diffuse de la musique, qu'on cherche encore au Québec la chanson de l'été. C'est comme une tradition. Chaque année, il y a une chanson qui habituellement sort du lot et devient la chanson de l'été. Mais là, le décompte est lancé. L'été tire à sa fin et aucune chanson ne semble vraiment s'être démarquée. Mais peut-être que dans le grenier. Moi, je fouille toujours dans de vieilles boîtes. Et j'ai une boîte où il y a un petit bout de tape à peinture verte sur lequel est écrit 1983. Je viens de tomber sur un 45 tours pas trop poussiéreux. Puis je me suis dit, et si je tenais entre mes mains le 45 tours de la chanson de l'été? En plus, c'est un groupe montréalais. Je pense donc qu'on n'a pas le choix, nous allons devoir l'écouter. C'est le groupe Transix avec Vivre sur vidéo. Allez, on prend pas de chance, on monte le son de la radio un peu. C'est vendredi, on débute le week-end avec peut-être la chanson de l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada. sans vidéo. Vivre sur vidéo. Voilà, c'est déjà tout pour ce premier épisode du Grenier Pop. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter que moi à l'animer. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager l'émission et à revenir fouiller avec moi dans le grenier la semaine prochaine. On se retrouve donc, même poste, même heure, pour un nouveau voyage dans l'univers pop. Grenier Pop, un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop.